de nous le renard chanter. C'est dans 6 ans, je m'en irai, j'entends de nous le renard chanter. C'est dans 4 ans, je m'en irai, j'entends de nous le renard chanter. J'entends de nous le renard de belette, j'entends de nous le renard chanter. Chanter, chanter, chanter, chanter, chanter.

Es an int glas ar meur vor A setu un ten zo Gret a zo Ah.